les militaires de l'armée populaire, les travailleurs, jeunes et enfants de tous les milieux du pays visitent ces derniers jours le haut lieu révolutionnaire de Taedongsan. Ce site historique conserve les données et objets sur la direction dynamique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, qui ont effectué la visite en février de l'an 52 du Juche 1963 et en mars de l'an 85 du Juche 1996 pour présenter le mot d'ordre « un contre 100 » et développer toute l'armée en puissance révolutionnaire sans rival. Ces 20 dernières années, il a été visité par des centaines de milliers de personnes.